éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Gisèle Halimi, une femme qui a profondément marqué l'histoire des droits des femmes en France. Gisèle Halimi naît en 1927 en Tunisie, dans une famille où les garçons sont davantage valorisés que les filles. Très jeune, elle se révolte contre cette injustice. À seulement 10 ans, elle fait même une grève de la faim pour protester contre les tâches ménagères imposées aux filles, mais pas aux garçons. Cette expérience marque le début de son engagement pour l'égalité. Elle fait ensuite des études de droit en France et devient avocate. Très vite, elle décide d'utiliser son métier pour défendre les personnes victimes d'injustices, en particulier les femmes. Dans les années 1960 et 1970, elle s'engage dans de nombreux combats liés aux droits des femmes. Son combat le plus célèbre est le procès de Bobigny. À cette époque, l'avortement est interdit en France et peut être puni par la loi. Gisèle Halimi défend alors une adolescente de 16 ans jugée pour avoir avorté après avoir été violée. Pendant ce procès, elle ne se contente pas de défendre sa cliente. Elle transforme l'audience en véritable débat public sur la loi et sur la condition des femmes. L'affaire choque l'opinion publique et montre à quel point la loi est injuste. Ce procès joue un rôle important dans l'évolution des mentalités et contribue à la légalisation de l'avortement en 1975 grâce à la loi portée par Simone Veil. Gisèle Halimi ne s'arrête pas là, elle fonde aussi l'association Choisir la cause des femmes qui lutte pour le droit à l'avortement, contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Proche de François Mitterrand, Gisèle Halimi s'engage aussi directement en politique. Elle est élue députée en 1981 et siège à l'Assemblée nationale pendant quelques années. Là encore, elle continue son combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En 1982, elle fait adopter une loi qui prévoit des quotas pour permettre à davantage de femmes d'être candidates aux élections. Mais cette mesure est finalement annulée par le Conseil constitutionnel qui estime qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. En utilisant le droit et la parole publique, Gisèle Halimi a réussi à transformer des procès en moment décisif pour faire évoluer les mentalités et les lois. Elle meurt en 2020, mais son engagement et ses luttes restent encore aujourd'hui une référence pour le féminisme et pour la défense des droits humains.